Parfois je veux avoir du lait, alors je prends moi-même la pinte de lait. Je verse tout seul dans mon verre, mais je renverse un peu de lait par terre. Zut flûte cacaboudin, je dis zut flûte cacaboudin, et je recommence. Des fois je veux avoir des bonbons, mais mon papa me dit il n'en est pas question. Je crie, je pleure pour en avoir. Maman me dit tu as mangé le dernier hier soir, tu t'en souvenais plus, hein? Zut flûte cacaboudin, je dis zut flûte cacaboudin, et je mange un biscuit. Une autre fois je marche sur le trottoir, mais c'est le soir et il fait noir. Je ne vois pas qu'il y a une toute petite souris. Je l'écrase et ça fait coui-coui. Oh non, pauvre petite souris. Zut flûte cacaboudin, je dis zut flûte cacaboudin, et je m'achète un hamster. Zut, c'est quand je fais un dégât que je me trompe ou que je tombe. Flûte, ça veut dire que je peux pas avoir et que je peux pas faire tout ce que je veux. Caca, ça veut dire qu'il m'arrive quelque chose de pas très bon. Boudin, ça veut dire que je veux rester tout seul dans mon coin. Zut, flûte, caca, boudin. Je dis zut flûte cacaboudin. Zut flûte cacaboudin. Je dis zut flûte cacaboudin. Et je termine la chanson.